Plus que chapu et plus que c'est bon et plus que chapu. Plus que chapu et plus que c'est bon et plus que chapu. Plus que chapu et plus que c'est bon et plus que chapu et plus que c'est bon et plus que chapu et plus que c'est bon et plus que chapu. Allez les gars. Encore un verre, Michel le dernier. Merchel d'Artel est tout cramé. Maintenant que t'es fait comme un Mickey, t'es un baltou, t'es mal couché. Plus que chapu et plus que chevron, plus que chassin de maroil dans la maison. Plus que chapu et plus que chevron, mais t'as plus qu'à 22.